Bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, le direct de 18h-19h sur Radio Guémozo 107FM. Aujourd'hui il fait beau, hein, on est en plein mois d'avril et il fait même très chaud, mais c'est le moment où les glycines commencent à fleurir et avec le soleil il faut un peu se protéger, il faut penser à mettre un chapeau, peut-être un Stetson, hein, pour éviter les insolations. Mais bon, on n'est pas là pour parler de météo, on est là pour parler, comme d'habitude, hein, de différentes associations, de différentes structures qui œuvre dans les Vosges. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Kylian et Fanny des Francas des Vosges. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Lou. Avant qu'on présente un peu les Francas, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter aux auditeurs? Très bien. Très bien, bah je commence, tu commences? Je commence. Alors moi c'est Kylian, animateur au Francas des Vosges, animateur scientifique et animateur média, donc je fais plusieurs activités en passant de la robotique, de l'astronomie, et au niveau du média je fais notamment de la vidéo et de la radio, voilà aussi. Et toi Fanny? Donc voilà, donc moi bonjour, c'est Fanny, et donc moi je suis stagiaire BPGEPS, donc aussi chez les Francas des Vosges. Alors BPGEPS, c'est un diplôme qui va me permettre de devenir animatrice professionnelle et aussi directrice d'ACM, de centre de loisirs par la suite. Voilà. Et donc je suis en formation chez les Francas depuis le début de l'année, milieu septembre. Et on va peut-être parler un peu des Francas en fait, qu'est-ce que c'est en vrai? Alors, les Francas, il y a les Francas des Vosges qui dépend en fait d'une fédération nationale, donc qui s'appelle la Fédération nationale des Francas, qui est une fédération d'éducation populaire et va constituer un réseau d'associations départementales, d'unions régionales. Donc nous, par exemple, les Francas des Vosges, on est une association départementale qui fait partie de ce réseau et on dépend de l'union régionale, du coup maintenant Grand Est, donc avec d'autres AD aussi présentes sur le territoire Grand Est, donc la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, l'Alsace, mais aussi la Champagne, Ardennes, nos voisins ardennois. Donc ça c'est les Francas des Vosges. Et qu'est-ce que c'est exactement l'éducation populaire? Donc il y a l'éducation nationale, il y a l'éducation aussi dans le contexte familial, et nous les Francas des Vosges, c'est proposer en fait des loisirs éducatifs sur les temps extrascolaires principalement, mais aussi sur la formation d'acteurs, d'animateurs, de personnes engagées justement dans le milieu éducatif sur de nouvelles techniques, par exemple la radio, la vidéo comme je parlais juste avant, mais aussi fédérer du monde sur certaines réflexions, comment améliorer la qualité des accueils, comment inclure tout enfant dans un centre loisirs ou dans les écoles, et ainsi de suite. Donc on œuvre vraiment dans tous les champs possibles d'éducatifs, mais sur les temps principalement extrascolaires. Et dis-moi, est-ce que tu sais depuis quand les Francas existent, Kylian? Alors oui, les Francas, donc pour la Fédération des Francas depuis 1944, donc c'est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale qu'il y a eu une véritable réflexion. Donc deux entités qui existaient avant se sont regroupées, ils se sont appelés Francs et Franches Camarades en 1944 et qui ont mis en place du coup la Fédération Nationale. Et en 1946, l'Association Départementale des Francas des Vosges a vu le jour, donc c'est une très vieille association départementale, une des plus vieilles en tout cas du réseau national. 1946, donc on a fêté les 70 ans en 2016. Voilà. Tout simplement. Et c'est vrai que vous vous êtes présenté, mais ça fait combien de temps? Alors toi, c'est vrai Fanny, tu es au Francas pour ton stage depuis le mois de septembre. Comment tu y es entrée? Qu'est-ce qui t'a fait aller faire ton stage chez les Francas? Bah alors, c'est vrai que ça fait un petit moment que je travaille dans l'animation, depuis mes 16 ans. Et puis, j'ai passé mon BAFA avec les CEMEA, qui sont aussi une éducation, une association d'éducation populaire. Et j'ai voulu évoluer dans l'animation. Et c'est vrai que j'avais eu vent du diplôme que proposaient les Franca, donc le BPJEPS. Et donc, je suis allée m'inscrire aux inscriptions. Et puis, j'ai pu... J'ai pu inclure la formation après, donc un oral et un écrit. Voilà. Et toi, Kylian, ça s'est passé comment ? Alors, pareil, depuis mes 15 ans, je suis dans l'animation et j'ai commencé en fait directement avec les Franca en tant qu'aide animateur. Donc, ils proposaient à l'époque des formations de 3 jours pour justement apprendre un petit peu les bases de l'animation et faire aide animateur sur les étés. Et petit à petit, j'ai passé mon BAFA avec les Franca. J'ai continué à être animateur pour eux sur leur centre de loisirs, notamment à Némont-les-Fosses à côté de Saint-Dié. Et un jour, je me suis proposé en tant que formateur BAFA. Voilà, donc c'était à mon tour de former de nouveaux et de nouvelles animateurs, animatrices BAFA. Et puis, ils m'ont proposé, en fait, il y avait un poste qui s'est libéré pour développer justement des activités techniques, scientifiques et médias, chose que j'aimais bien en tant qu'animateur. Et donc, le feeling s'est bien passé. Et du coup, maintenant, ça fait trois ans et demi que je suis au Franca en train de développer ces activités-là. Voilà. Et si on veut parler un petit peu de concrètement, hein, tu as parlé d'activités et là tu as parlé de développer des activités scientifiques, culturelles. Concrètement, qu'est-ce que tu fais avec les enfants ? Tu fais des ateliers comme si c'était des nappes, hein ? Alors j'interviens sur des périodes nappes, par exemple sur la commune de Chaumouset, sur l'année où j'interviens spécifiquement sur les activités scientifiques. Donc on a fait autour de l'eau, la thématique de l'eau, la thématique de l'air, et là on va commencer la thématique de l'électricité. Donc j'interviens, mais je suis principalement sur le développement d'activités. J'essaye de réfléchir à tous les problèmes qu'on peut rencontrer si on mène une activité et comment on résout ces problèmes. Je solutionne et après j'essaye de proposer une sorte de malle, hein, physiquement parlant une vraie malle, voilà, avec plein de matériel dedans, avec des fiches d'activités, des fiches pédagogiques qu'on appelle. Et comme ça, un animateur peut s'approprier des nouvelles activités qu'il n'avait pas forcément les compétences pour mener avant. Voilà. Donc il y a de l'accompagnement et de la formation. Donc moi je développe beaucoup et après je vais pratiquer sur le terrain, on va dire. En effet, et tu as parlé d'activités dont les animateurs n'ont pas forcément le bagage ou l'idée. Mmh. Et en parlant de ça, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu vous faire venir, surtout toi, Fanny, vu que j'ai vu un article qui parlait d'un atelier que tu as fait à Chaumouset pour faire de la musique sans instrument. Ça paraît assez... incongru ou insolite plutôt, c'est vrai qu'on se dit ah, mais comment on n'y a pas pensé plus tôt. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter tout le cheminement déjà de l'idée pour le projet et ensuite de la réalisation et la finalité qui était un clip, je crois. Oui. Alors du coup comme tu dis, donc j'ai fait ce projet avec la mairie de Chaumouset, donc avec un groupe de 7 enfants. Et donc au final, c'est dans le cadre de ma formation qu'il m'a été demandé de proposer un projet d'action, donc aussi lié avec ce que pouvaient réaliser aussi les Franca. Et à Chaumouset, donc avec les enfants, donc déjà comment je suis arrivée à cette idée ? Alors je suis musicienne depuis un petit moment, je fais de la harpe celtique et c'est vrai que la musique c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Et dans mes projets, c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre à profit. Donc, c'est vrai que j'ai eu une idée. Un jour, je me suis dit, bon, j'ai 6 séances à programmer avec un groupe d'enfants. Qu'est-ce que je peux faire ? Et au final, j'ai eu l'idée de trouver 6 manières différentes donc, de faire de la musique. Et ce, sans instruments musicaux, en tout cas. On a fait de la musique avec la bouche uniquement. Donc, on a fait un petit peu ce qui pourrait paraître de l'ASMR ou du beatbox. Par la suite, on a utilisé que des bruits de voix, donc on n'a pas réellement chanté. On a utilisé aussi tout notre corps. On a fait beaucoup de percussions corporelles, pardon. Et puis, par la suite, donc, on a fait aussi de la musique qu'avec des éléments qu'on peut trouver chez nous. Donc, un petit peu tout et n'importe quoi, une casserole, un coton-tige, un petit peu tout. Et puis, pour finir, donc, je suis allée récolter plein d'éléments naturels et on a essayé un petit peu de faire chanter justement la nature de plusieurs manières. Donc, c'est un projet qui était assez ambitieux de base et d'ailleurs qui n'est toujours pas fini. Donc, le clip, malheureusement, n'est toujours pas fini. C'est encore en cours. Et puis, j'ai d'ailleurs deux nouvelles séances programmées donc avec Chaumouset pour pouvoir finir mon projet. Voilà. Et dis-moi, quand le clip sera terminé, est-ce que ceux qui nous écoutent pourront peut-être y avoir accès ? Bien sûr, justement, c'est le but de valoriser ce projet un maximum. Donc, dans la possibilité, normalement, ce serait possible de le mettre en lien sur Vimeo, quelque chose comme ça. On a un compte Franca sur la plateforme vidéo Vimeo. V-I-M-E-O. Voilà. Donc, effectivement, quand il sera fini, réalisé et tout ce qui va avec, je te ferai part du lien. Courant voilà. Mi-mai, fin mai. Voilà. Ce sera avec plaisir. Et comme Kylian, tu viens à l'instant de parler d'une, d'une plateforme Vimeo, là où vous avez un compte, ce qui veut dire, hein, j'imagine bien entendu, qu'il y a d'autres vidéos qui ont été réalisées par les Franca. Oui, alors il y a des vidéos qui sont réalisées directement avec les enfants et les jeunes, réalisation de clips, réalisation de courts-métrages ou d'histoires, mais principalement sur notre compte Vimeo, on a des reportages, des sortes de reportages qui justement va donner des précisions, des informations sur ce qu'on mène au Franca. Donc par exemple, on fait de la formation professionnelle, où Fanny justement est stagiaire BPJEPS, donc on a une vidéo qui explique ce que c'est le BPJEPS, le formateur prend la parole, explique les différents modules, les inscriptions et la finalité de ce projet-là. On a aussi des reportages sur tout ce qui est questions environnementales, sur nos centres de loisirs, sur la démarche d'accueil 100% loisirs, qui est d'accueillir tous les enfants, peu importe leur handicap, dans des structures de loisirs. Des vidéos aussi, une vidéo avec des jeunes de Saint-Nabor, pareil, sur la question du handicap, qui ont interviewé des personnes qui travaillent dans les métiers médico-sociaux et qui a été très valorisée, donc c'était il y a 2 ans et demi, donc a été valorisée sur cette plateforme et qui a eu de bons retours derrière, parce que c'est vraiment les jeunes qui ont posé leurs propres questions à ces personnes-là et qui ont vu du coup le handicap sous d'autres manières, sous d'autres angles. Donc là, c'est aussi lutter contre les inégalités, hein, les discriminations sous toutes ces formes. Et j'imagine que c'est quelque chose peut-être que les Franca essayent de militer, non, mais de transmettre des valeurs, j'imagine. En plus de lutter contre les discriminations sous toutes ces formes, quelles autres valeurs l'association des Franca essaie de transmettre aux enfants? Alors ça regroupe principalement 5 à 6 valeurs à peu près. Alors c'est des valeurs très, très, très générales, peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais il y a l'humanisme, la liberté, l'égalité, la solidarité, la laïcité et la paix. Donc ça, c'est les valeurs un petit peu générales qu'on défend en Franca et qui vont se traduire, ces grandes valeurs-là vont se traduire par des objectifs un peu plus précis. Par exemple, on parlait de discrimination, on fait de l'éducation au racisme et aux discriminations via un outil pédagogique qui s'appelle, c'est une exposition qui s'appelle Zoo Humain, l'invention du sauvage, qui regroupe 20 panneaux cette exposition-là a été créée par l'association Lilian Thuram, la fondation Lilian Thuram, qui lutte contre justement les discriminations et le racisme. Donc nous, on intervient dans les collèges et les lycées via cet outil pédagogique pour justement éduquer des élèves contre le racisme et les discriminations et prendre du recul, avoir une certaine réflexion sur ces questions-là. Donc c'est dans l'éducation au racisme et aux discriminations, on va retrouver un petit peu ces 6-5 grandes valeurs. Donc voilà, ça va se traduire plus précisément après sur le terrain par l'éducation plutôt aux médias. Donc là, ça va être comprendre un petit peu l'image. Aujourd'hui, on a des médias qui sont présents partout. Donc c'est prendre aussi du recul par rapport à ça, aux publicités, toutes les images subliminales qu'on peut recevoir tous les jours. L'éducation au racisme via ces expositions-là. L'éducation aux sciences, c'est pour un petit peu aussi... vulgariser les sciences, on vulgarise les sciences pour rendre accessible à tous les jeunes, mais derrière c'est développer une certaine réflexion, une certaine démarche peut-être scientifique, expérimentale ou même technique que le gamin pourra réutiliser lui plus tard dans son expérience personnelle ou chez ses parents ou à l'école ou entre groupes d'amis. Vraiment s'approprier un maximum d'outils pour grandir et pour arriver à l'âge d'adulte. On commence à 3 ans et on va jusqu'à 18 ans, donc c'est assez large en termes d'âge, voilà. Oui, c'est un accompagnement assez global et vraiment pour transmettre des valeurs très fortes, hein, pour faire, on va dire, et je l'espère, un monde meilleur. En parlant de quelqu'un qui voulait vraiment faire un monde meilleur et qui avait aussi des valeurs, je pense fortement à John Lennon, vu que Fanny, tu m'as proposé de passer Stand By Me de John Lennon. Alors, tu sais quoi, on va s'écouter cette pause musicale et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Ça marche. Merci. De retour sur Radio Guémozo sans test FM, toujours dans l'émission L'heure des loups. Vous pouvez réagir à l'émission en nous écrivant un petit mot sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous passant un petit coup de fil au 03 29 62 40 40. Ça fera toujours plaisir. Pour l'émission de ce soir, je suis toujours avec Kylian et Fanny des Francas des Vosges pour parler d'éducation et d'animation des jeunes. Et éducation, parlons-en. Parce qu'en première partie d'émission, tu m'as mis un peu la puce à l'oreille. Tu as dit que tu as été formé par les Francas et maintenant tu fais de la formation. Et Fanny est là pour être formée en tant que BPJEPS. Alors Kylian, peut-être, est-ce que premièrement tu peux nous dire quelles sont les différentes formations que les Francas proposent ? Alors en Francas, on propose différentes formations. Il va y avoir la formation professionnelle, donc la formation BPJEPS. Donc pour dire ce que ça signifie, BPJEPS, c'est brevet professionnel de l'éducation, de la jeunesse. Et du sport. Voilà. Option LTP, donc loisirs tout public. Et cette option LTP permet à ces jeunes stagiaires BPJEPS de aussi diriger à après l'obtention du coup de leur diplôme. Donc ça, c'est la formation professionnelle qui se déroule sur un an ou un an et demi en alternance. Ensuite, on va avoir la formation habilité, où là, on va retrouver le fameux BAFA et BAFD. Donc pour le BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, et le BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de direction, qu'on organise à 2-3 stages par an, notamment sur les vacances scolaires. Pour info, un stage BAFA ou un stage BAFD du coup se déroule dans plusieurs parties. Une première partie pour le stage BAFA par exemple de 8 jours, suivi d'un stage pratique de 14 jours et enfin un stage d'approfondissement de 6 jours. Donc ça, c'est la formation habilité. Et sur cette formation BAFA-BAFD, il y a aussi une volonté des Franca des Vosges de former des animateurs qu'on appelle des animateurs volontaires, donc qui prennent en compte la réflexion qu'ont les Franca, qui partagent la même réflexion et qui vont agir durant les vacances, les petites vacances, sur les centres loisirs Franca pour mener à bien le projet justement départemental des Franca. Donc voilà pour la formation habilité. Et on fait d'autres formations aussi. Donc il va y avoir une formation qu'on appelle formation continue, où là c'est à la destination des animateurs, animatrices, directeurs, directrices, coordinateurs, coordinatrices, voilà, où sur des thématiques très spécifiques peuvent venir se former. Par exemple, prenons le cas de la radio. On organise une formation radio 2 jours, et bien des animateurs ou animatrices peuvent s'inscrire pour se former justement sur ces nouvelles compétences là. Donc ça, c'est la formation continue. Actuellement, il me semble qu'on nous avons pas de date, et on fait une autre formation qui marche plutôt bien aussi sur le territoire vosgien. C'est la formation aux bénévoles associatifs. Donc il y a beaucoup d'associations sur le territoire, tu dois savoir, Lou, notamment, et nous on intervient pour apprendre à gérer un budget pour les petites associations, gérer les conflits, comment organiser un événement, comment bien communiquer, voilà, toutes ces thématiques là. J'ai un collègue formateur qui va dans les associations et vient leur amener justement différents outils, différentes compétences pour faire vivre leur association du mieux possible sur le territoire vosgien. Donc ça, c'est les 4 formations qu'on propose aux Franca des Vosges. Donc vous voyez, il y a un sacré panel, sachant que la formation BPJS est sur un an en alternance. Ça fait 6 ans, je crois, que les Franca des Vosges proposent un BPJS à Épinal, donc dans les Vosges, et il y en aura un prochain d'ailleurs qui aura lieu, des BPJEPS, donc qui est ouvert aux jeunes de, il me semble, minimum 18 ans, voilà, qui souhaitent devenir animateur ou animatrice professionnelle. Et donc celui-là commencera à partir de octobre ou novembre 2018, donc les inscriptions peuvent déjà commencer, et celui-là se déroulera du coup sur un an et demi, donc 18 mois en alternance, voilà, à Épinal. D'ailleurs, tu as dit une chose qui m'a un petit peu interpellée, tu fais de la formation radio. J'aimerais juste que tu m'expliques, parce que bon, on est à la radio, et puis en ce qui me concerne, j'ai déjà fait de l'animation pour enfants. Comment est-ce que tu arrives à lier les deux? C'est-à-dire, j'ai pas compris. Mais en fait, en tant que Franca, c'est une des missions principales, mais est-ce que tu fais de l'animation pour les enfants en faisant de la radio en même temps pour tes formations radio? En fait, j'essaie juste de comprendre. D'accord, alors je suis intervenu sur de la radio au tout début, avec des groupes d'enfants, où on faisait des émissions, des petites chroniques, ça dépendait, des interviews, des micro-trottoirs, voilà, différents formats radiophoniques. Et puis on a vu qu'il y avait une volonté sur le territoire, donc j'ai passé, on va dire, un petit peu coordinateur, et du coup on recrute des services civiques, des volontaires en service civique pour animer justement ces activités radio avec des groupes de jeunes. Et donc moi je chapeaute un peu tout ça sur le territoire des Vosges. On a une radio à Léo, on avait une radio à Plombières, on a eu déjà quelques interventions sur le secteur de Saint-Dié. Et moi du coup ma mission, ça va être de créer une sorte de dossier technique pédagogique où justement un volontaire en service civique qui arrive, ou un animateur, une animatrice qui arrive et qui souhaite mener une activité radio, et toutes les clés en main. Donc on va travailler sur la posture de l'animateur, comment un animateur radio doit se positionner, qu'est-ce qu'il doit préparer, quand il est en face à face, qu'est-ce qu'il doit mener avec les enfants, comment on valorise derrière, tout ce qui est technique, le montage, quels effets on peut faire aussi. Donc moi je développe vraiment la partie, on va dire, pédagogique de cette activité radiophonique, et la pratique je la laisse du coup maintenant aux volontaires en service civique. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas, j'avais pas trop compris. Ben, disons, ça a un petit peu éclairé, même si je pense que le meilleur moyen de tout bien comprendre, c'est de suivre ces formations, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on comprend mieux en les faisant, en les vivant, en les faisant, oui, sur le tas. Et d'ailleurs, oui, toi, tu as ton BAFA, c'est ça, Kylian ? Oui. Tu n'as pas ton BPJEPS ? Non, j'ai uniquement le BAFA, recruté très tôt, entre guillemets, par les Franca. Et il n'y a jamais eu de volonté de ma part encore pour le moment de passer le BPJEPS. Mais on va dire que j'ai un petit peu appris sur le terrain, sur le tas. Et je pense qu'il y aura peut-être une volonté de passer plus tard un DEJEPS directement, du coup. Et c'est quoi un DEJEPS ? C'est alors au-dessus du BPJEPS ? C'est juste après le BPJEPS, hein, c'est le diplôme juste après du coup, le BPJEPS. Et là, on ne va plus sur un brevet, du coup, mais sur un diplôme d'État. Qui est un équivalent bac plus 2 du coup par rapport au diplôme standard, et le BPJEPS c'est un équivalent bac, voilà, donc c'est on va dire ouais, le diplôme d'après, et après le DE il y a le DES, diplôme d'état supérieur, où là, donc avec un DE on peut être responsable d'une association, d'une structure d'accueil, voilà, on a plus de responsabilités qu'un BPJEPS. Et d'ailleurs, dis-moi, on n'en a pas trop parlé il me semble, mais d'où est venue l'envie de faire de l'animation pour les jeunes? Ça a commencé très tôt, en fait au centre de loisirs. J'ai été jeune aussi, j'ai été au centre de loisirs et j'ai rencontré des animateurs, des animatrices qui ont su me faire partager leur passion de l'animation en fait, notamment quand j'étais dans les camps ados, voilà, où je suis vraiment tombé sur des personnes qui ont su voilà, partager leurs valeurs, leurs passions, et moi je l'ai pris comme ils me le disaient, et derrière ça m'a donné beaucoup envie. J'ai rencontré par après ces personnes-là. On en a rediscuté, ils étaient plutôt fiers d'avoir suscité une envie chez moi du coup, et de voir ce que ça avait pu donner du coup. Voilà. Donc c'est vraiment une transmission de passion, je dirais. Voilà. Oui, et est-ce que c'est aussi ton cas, Fanny ? Alors, un petit peu hein, quand même, parce que mes deux parents étaient aussi dans l'animation. Mon père, pendant très longtemps, a été directeur dans des centres de loisirs. Et ma mère aussi était animatrice. Et d'ailleurs, ils se sont rencontrés dans le monde de l'animation. Et mon frère aussi est animateur. Donc, toute la famille fait de l'animation. Ah oui, c'est vraiment un truc de famille. Et donc, tu as décidé de passer le BPJEPS pour être animatrice professionnelle. C'est ça, tu l'as dit ? Oui, et j'ai notamment choisi ce BP parce que effectivement on a une option qui nous permet de diriger par la suite. Donc dans ce BPJEPS j'ai trois étapes, trois épreuves. La première, il m'a été demandé de réaliser donc un projet d'animation, donc celui pour lequel je suis ici aujourd'hui d'ailleurs, sur la musique, donc en tout genre. Là je suis en plein du coup dans ma deuxième étape, donc sur mon deuxième projet, et qui est aussi donc sur la question du handicap, où j'organise une rencontre, d'ailleurs plusieurs rencontres d'ailleurs, qui se passent lundi, mardi et mercredi prochain. J'organise une rencontre entre l'IME Clair Matin d'Épinal avec un groupe de 7 jeunes de là-bas et le centre aéré municipal de Igné. Donc voilà, donc avec 7 jeunes qu'on peut dire ordinaires. Et donc voilà, donc tout ça encore autour du domaine de la musique. Et donc troisième étape, la direction, où il m'est demandé de réaliser 18 jours de direction consécutifs. Donc voilà, donc là je serai en direction donc sur le village de Némont-les-Fosses, on en parlait tout à l'heure, du 9 juillet au 3 août, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est aussi notamment pour ça que j'ai choisi ce BP, vraiment pour l'option direction. Pour après devenir directrice, c'est ça, d'un centre ? Oui, voilà, en fait, ce brevet nous permet de diriger un accueil de plus de 80 jeunes sur plus de 80 jours. Donc à l'année, je pourrais diriger une structure. Voilà. Et oui, donc t'es vraiment motivée pour en vivre. D'ailleurs, il y a d'autres structures qui proposent des BAFA, des BPJEPS ? Il y a d'autres structures qui en proposent. On est plusieurs acteurs dans le milieu de l'éducation populaire. Les CMA notamment, j'en parlais tout à l'heure, Fanny, donc qui sont les centres d'entraînement. Alors, je ne sais plus exactement le sigle, mais qui est très proche aussi des valeurs qu'on peut défendre aux Franca et aux Franca des Vosges. Donc les CMA, il va avoir la Ligue de l'enseignement, l'UFCV, l'E2CVL aussi. Voilà, beaucoup d'organismes qui défendent des valeurs d'éducation populaire. Après, chacun a une ligne directive différente. D'autres se retrouvent sur de certaines lignes. Donc par exemple, je parlais des CMA, voilà. Je sais que pour le Grand Est par exemple, on est en très bon partenariat avec les CMA, voilà. Et ça permet d'avoir plus d'impact aussi avec les institutions de l'État, vis-à-vis des partenaires. Quand il y a plusieurs organismes d'éducation populaire aujourd'hui qui se regroupent et qui font des partenariats, ça a plus de force et ça permet d'obtenir peut-être plus d'aide aussi de la part d'État et de mener plus de projets à bien sur les différents territoires. Et d'ailleurs, ça amène mon autre question avant la prochaine pause musicale. Pourquoi dans ce cas avoir choisi les Francas ? Pour ma part ? Oui. Parce que je connaissais déjà un petit peu. Mon frère avait déjà pu fréquenter un petit peu les centres des Francas. Et puis, pareil, au niveau de ce que les Francas peuvent défendre, je me suis vite retrouvée. Donc, pour moi, c'était très simple, en fait, d'aller chez eux. Voilà. Et c'était aussi ton cas, Kylian ? Oui, tout à fait. Pourquoi les Francas ? Moi, j'ai toujours connu les Francas, en fait. Comme je disais, à 15 ans, j'ai commencé, je connaissais les Francas. J'ai connu les autres organismes par la suite, en fait. Donc, sur le coup, j'ai été bercé, grandi par les Francas, par les valeurs Francas. Donc, c'est quelque chose que je partage et que je défends personnellement et avec eux. Mais par la suite, j'ai découvert d'autres organismes qui aussi ont des valeurs intéressantes, mais je reste fort dans mes convictions vis-à-vis des Francas, où je pense que c'est ce qui colle le plus à mes convictions personnelles. Voilà. C'est ce qui colle le plus à tes convictions et à ton univers. À propos d'univers, je vais passer un morceau intitulé Stranger Universe de John Universe. En plus, c'est des Français qui ont sorti un album le 16 avril de cette année. Donc, on se découvre ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Stranger Universe de John Universe qui sort. C'est même le premier album de ce groupe-là qui est sorti le 16 avril. Peut-être qu'on les entendra un petit peu plus souvent à la radio, mais en attendant, ce qu'on écoute même ce soir, c'est Kylian et Fanny des Franca des Vosges. Vous êtes là vraiment pour nous présenter l'association et les différentes actions, surtout ben, la raison pour laquelle j'avais très envie de te faire venir, Fanny, sur ton activité, faire de la musique sans instrument. Tu as même parlé d'une autre activité que tu vas faire. Bon, après, avec toutes les informations, on ne peut pas se souvenir de tout. Mais dis-moi, ou Kylian, enfin l'un des deux, est-ce qu'il y a d'autres activités qui, d'un premier abord, peuvent sembler insolites, qui sont organisées par les Franca? Bah alors, insolite, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, donc j'ai un deuxième projet qui se déroule autour de la musique, donc avec les enfants de l'IME et les enfants du centre aéré de Igné, où là, effectivement, on va essayer de redécouvrir la musique ensemble, mais encore sous un autre aspect. Alors, peut-être que on va pouvoir développer de nouvelles compétences. Même là, ça marche très bien, en tout cas au niveau des enfants de l'IME, la pratique d'instruments sans instruments, parce que j'ai essayé un petit peu de retranscrire ce que j'avais pu faire à Chaumousey à l'IME. Donc après, insolite, je ne sais pas, mais en tout cas, très intéressant, selon moi. Après, en termes d'activité insolite, je dirais qu'on en a quelques-unes quand même au Franca, notamment une phare sur les vacances de l'été, où depuis 3 ans, on organise en fait ce qu'on appelle une course de pushcar, donc une course départementale de pushcar. Donc pour info, le pushcar, qu'est-ce que c'est? Pour résumer, le pushcar, c'est une caisse à savon pour enfants. Voilà. Tout simplement, une caisse à savon, ça va être dans une descente, avec beaucoup de sécurité, des freins, parce que ça va vite. Le pushcar, on va être sur du plat. Il va avoir un pilote et 2 pousseurs en fait qui vont pousser le bolide le plus vite possible sur une piste de course, voilà, mais toujours à plat. Donc il suffit juste d'avoir 3 ou 4 roues, une direction et une barre de poussée pour les pousseurs, du coup, et c'est parti après pour la course. Donc on organise ça tous les ans, donc depuis 3 ans. Donc c'est un petit peu insolite par le côté casse à savon, on va dire, en plus qu'il y a quelque chose qui se développe beaucoup dans la région Grand Est et qui marche depuis 3 ans. Hein. On accueille à chaque fois plus de 100 gamins sur cette rencontre là où les gamins savent faire preuve de créativité et d'imagination justement pour réaliser leur bolide. Et chaque année, c'est toujours plein de belles et de bonnes nouvelles idées que les enfants viennent se confronter du coup face aux autres, voilà. Et pour ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur le pushcar ou pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, hein, vu que tu m'y as fait penser, je vous suggère de regarder Rasta Rocket, le film. Hein. Notamment, par exemple, voilà, tout à fait. Comme ça, c'est comme ça que j'ai un peu découvert le pushcar, mais il y a aussi d'autres moyens, hein, merci Internet. Mais bon, si jamais. Hein. N'hésitez pas, sur YouTube, sur Rhône, voilà, il y a plein d'images, plein de photos du pushcar. Et d'ailleurs, dis-moi, Kylian, est-ce que les Franca travaillent avec beaucoup d'associations et de structures et même vraiment un partenariat très régulier? Alors, on va avoir des associations, oui. Alors, des structures qui sont dans le champ du loisir ou du loisir éducatif, il y en a beaucoup. Hein. On est vraiment sur une volonté de travailler en réseau. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation assez complexe. Et je pense que pour résoudre cette situation-là, il faut qu'on se réunisse et qu'on se rassemble autour de ces questions qu'on défend tous. On défend tous les mêmes questions. Donc je pense que c'est important, les partenariats, les associations et tout ça. Donc nous, on travaille notamment, par exemple les CMEA, qui est un autre organisme d'éducation populaire, mais on va aussi travailler avec des structures d'accueil d'enfants directement, des centres loisirs, donc par exemple Chaumousey, Igné, donc là où c'est des centres loisirs municipaux. On va aussi travailler avec des centres sociaux, comme le centre Savouret, centre Léo Lagrange à Épinal, où par exemple à Léo Lagrange à Épinal, on a une radio qui est implantée. On va travailler aussi avec d'autres associations, par exemple on travaille avec... Alors, faut pas que je me trompe, mais FFC, donc Secours Français, Secours... ce qu'ils font, les PSC1, Premier Secours et tout ça, voilà, l'association chargée. La Croix-Rouge, mais c'est pas la Croix-Rouge, c'est les autres, du coup. Donc, avec les deux, par exemple, les deux associations-là, on travaille avec eux pour faire passer le PSC1, alors avant au BPJEP, mais faire passer le PSC1 aux services civiques qui sont en mission chez nous. Donc, on a des accords, voilà. On travaille qu'avec eux, on travaille qu'avec eux pour pas faire concurrence aux autres. Voilà, il y a des partenariats qui se créent. Je dirais qu'après, il n'y a pas d'association très précise, c'est vraiment... Dès qu'une structure a des valeurs qu'il partage qui sont communes avec celles des Francas et qu'on veut aller dans la même direction, on travaille ensemble. Voilà, c'est principalement une question de valeurs. Et d'ailleurs, dis-moi, en parlant de ça, tu as parlé, enfin, on a brièvement parlé de partenariat et ton activité, Fanny, c'est avec une école. Et qui dit école dit nappe. Mais il me semble que c'est malheureusement tout doucement la fin des nappes. Alors, c'est pas vraiment un... Est-ce que c'est un frein pour vous, pour vos activités avec les enfants ? C'est vrai que c'est la dernière année là, des nappes. Hein. On va retourner à la semaine des 4 jours. C'est quand même une difficulté. Bah, on peut prendre mon poste, hein, du coup animateur, où je devais créer des nouvelles activités. Et c'était notamment, je l'ai pensé, ces activités-là dans le cadre de NAP. Donc les NAP, c'est donc sur une période entre chaque vacances scolaires. Donc par exemple, entre les vacances d'octobre et les vacances de Noël, il y a 6 ou 7 séances avec des gamins sur une thématique. Moi, j'avais imaginé des projets d'animation. Donc sur 6-7 séances, des thématiques autour de l'eau, de l'air. Et c'est vrai que du coup, comme les nappes vont disparaître, va falloir que je réadapte plus ou moins tout ce que j'ai pu déjà réaliser pour du centre de loisirs plus. Voilà. Même si derrière, c'était adapté déjà pour du centre de loisirs. Mais là, en tout premier, voilà, le but, ce qu'on appelle nous les mâles pédagogiques au Franca, qui traitent de ces différentes thématiques, était prévu initialement plus pour les nappes. Quoi. Donc c'est une réforme qui... Je ne saurais trop dire les bienfaits ou les méfaits de cette réforme, mais en tout cas, il y a des solutions qui vont peut-être être envisagées, donc notamment les mercredis récréatifs, soit le matin, soit l'après-midi, selon les structures. Donc voilà, peut-être que nous aussi, on aura une entrée par rapport au mercredi récréatif ou plan mercredi, hein, c'est comme ça que l'appelle le gouvernement maintenant, pour toujours mettre en place des activités un petit peu innovantes, astronomie, robotique, radio et ainsi de suite. Et continuer encore à faire vivre les nappes d'une certaine manière, mais autrement. Mais autrement, voilà. On ne s'appellera plus nappe, mais on reste sur du temps extrascolaire quand même. Même si on est après l'école périscolaire, mais ça reste un temps hors école, hors maîtresse ou maître, instituteur, institutrice. Donc après, peu importe le nom, c'est comme une garderie. On appelle garderie. Une garderie peut être éducative aussi. Je ne pense pas que le nom, c'est pas tellement le plus important. C'est vraiment ce qu'on fait à l'intérieur de ce créneau-là qu'on a avec les enfants. Je pense que les structures, peu importe qu'il y ait des nappes ou pas, ils mettront en place un temps dans la semaine justement pour accueillir des jeunes qui veulent continuer à découvrir de nouvelles choses autres qu'à l'école ou dans la famille. Et d'ailleurs, à ce propos, hein, tu as parlé de garderie ou en tout cas d'activité, d'éducation. Quelles sont toutes ces, en plus de ces valeurs que les Francas portent, hein, la solidarité, lutte contre les discriminations et plein d'autres qu'on pourra retrouver, bien entendu, sur le site des Francas que je donnerai en quatrième et dernière partie d'émission. Quels sont tous les buts pédagogiques de ces activités ? Le but premier est vraiment, je dirais peut-être l'émancipation et la responsabilisation du jeune ou de l'enfant. On l'accompagne en fait à grandir, hein, je dirais vraiment, c'est grandir en prenant, en grandir dans la société actuelle. Donc il y a un contexte, hein. On parlait tout à l'heure des images, les images qui polluent partout. Donc c'est aussi, aujourd'hui, c'est leur apprendre à prendre du recul par rapport à ces images-là et avoir une certaine réflexion. Donc c'est vraiment par rapport à la société actuelle, nous les Francas, c'est de les accompagner, tel un tuteur pour une plante, on va dire, de les accompagner à grandir et d'avoir toutes les compétences, les connaissances, les savoir-faire, les savoir-être pour être un homme qui est libre, égal à l'arrivée à l'âge d'adulte, par exemple. On tend vers ça, vers ces valeurs-là, principalement. Et concrètement, toi, Fanny, quels sont les buts pédagogiques, les visées de ton activité à toi, qui sont, je le rappelle, faire de la musique sans instrument. Et après, tu as parlé de percussions sur le corps, d'objets du quotidien, tu as parlé de casseroles, puis aller chercher des instruments naturels, donc des morceaux de bois et tout ce qui va avec. Quels sont les visées pédagogiques en fait, de cette activité-là, concrètement ? Je pense, dans un premier temps, susciter la curiosité. Je pense que ce soit chez les adultes ou chez les enfants, la réaction a été un petit peu la même. De la musique sans instrument. Mais au final, avec beaucoup d'imagination, de l'écoute, de la concentration, tout se fait très simplement. Hein, en fait. Et puis même au niveau des enfants, ça crée aussi une certaine solidarité entre eux parce que, au niveau du projet musique en tout genre, effectivement, ils devaient réaliser des pistes musicales donc de chaque séance. donc de chaque thème un petit peu entre guillemets, donc les musiques de bouche, bruit d'objets, tout ça. Et ensemble, ils devaient aussi surtout s'écouter, s'enregistrer et donc par la suite se filmer. Donc il y a vraiment aussi une coopération en tout cas entre les enfants, de l'entraide aussi de celui qui n'y arrive pas ou qui a la pression d'être nul tout simplement. Et voilà, on essaye de faire en sorte que ce soit possible et réalisable pour tout le monde et d'intégrer tout le monde aussi notamment. Et oui, tu as parlé de susciter la curiosité, peut-être ouvrir les horizons culturels. Et l'association des Francas propose d'autres ouvertures culturelles, je ne sais pas, des voyages, des découvertes gustatives, de, je ne sais pas, par exemple d'andouillettes. On ne sera pas sur la découverte culturelle de cette manière-là. Je dirais que la radio, c'est peut-être l'outil qui permet une ouverture assez large, parce que grâce à Internet, aux magazines, aux journaux, tout ça, à l'information, à l'actualité, ça permet quand même d'avoir une ouverture sur le monde si on se tient informé. On ouvre cette ouverture, on élargit cette ouverture, pardon. Je réfléchis un petit peu. Il y a eu des choses qui sont faites. Là, actuellement, sur le coup, je le vois pas, mais je sais qu'il y a un projet, par exemple, qui s'est fait où j'ai été dedans étant jeune. Il y a eu un échange pendant 3 ans avec des groupes roumains. Voilà, un groupe roumain. Donc la première année, on est parti en Roumanie, animer en fait un groupe d'enfants chez un prêtre, parce qu'ils n'ont pas vraiment de centre de loisirs là-haut. Au début, on avait 10 enfants, on a fini la semaine avec 50 enfants. Et derrière, on a visité un petit peu le pays pour aussi s'ouvrir culturellement, personnellement, sur d'autres coutumes et cultures qui sont différentes de chez nous en France. Ça a vraiment été une expérience très forte pour moi et très enrichissante, et je pense que j'en suis ressorti, je pense que je suis comme ça aujourd'hui, grâce aussi à ce projet-là qui a pu justement mener les Francas à l'époque. Il n'y en a pas tout le temps parce que forcément c'est des projets qui ont un coût, ça prend du temps, il faut réunir les jeunes aussi, mais on tend vers ce genre de projet et on accompagne les structures. J'ai un collègue notamment qui accompagne les structures sur des groupes d'ados pour les aider à être autonomes, à les responsabiliser dans la montée de projets de ce genre là le projet Roumanie par exemple a été initié au début entre guillemets par des jeunes. C'est l'animatrice qui a été un outil, on va dire, qui a aidé ce groupe de jeunes à obtenir les subventions, à réserver les hôtels, à savoir quel lieu on allait, à trouver une association qui peut nous accueillir là-haut pour faire justement de l'animation. Donc voilà, il y a des projets de ce genre-là qui se font, il y a des projets culturels. On a aussi organisé un séminaire européen des droits de l'enfant à Gérardmer il y a 2 ans, où des amis luxembourgeois, belges et français se sont retrouvés le temps d'un week-end pour échanger justement sur les pratiques des droits de l'enfant dans les différents pays de chacun. Et via ces réflexions, via ces échanges aussi, et via la découverte de nouvelles pratiques par des voisins qui sont pas si loin que ça, je trouve que ça fait une ouverture aussi sur le monde, et ça nous permet, nous en tant qu'animateurs, animatrices, de se remettre aux questions, parce que c'est aussi ça être animateur, animatrice, c'est se remettre en question assez souvent pour pouvoir évoluer toujours en lien avec la société actuelle, avec les jeunes actuels, avec vraiment tout le contexte actuel. Voilà, il y a différents exemples que j'ai pu donner. J'imagine que c'est important aussi de continuer à s'ouvrir à la nature qui nous entoure. C'est d'ailleurs le thème de la 3e et dernière pause musicale. C'est un morceau d'Yvan Marc, dont l'album sort le 27 avril et qui est venu témoigner pour son album le 10 avril dans la même émission. Donc je vous laisse écouter son morceau Le Château et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Au pied du vieux château, s'écoule l'eau, s'écoule l'eau. À deux pas des remparts, l'ancienne gare n'a plus d'amarre. Quelques enfants courent sur la route librement, des chiens curieux les suivent, jouent en jappant. Les vélos sont posés sur le mur de la voie, une corde entre deux branches sert de balançoire. Au pied du vieux château, s'écoule l'eau, s'écoule l'eau. chercher le lait. Juste derrière la fontaine, avant la grande forêt. Écoute les volets claquer dans l'école à côté. Les buissons font la leçon à la cour de récré. Des histoires des arrière-grands-parents, les rires des fêtes au village après le travail des champs. On se roulait dans le foin qui séchait dans les granges, au goût des raisins sucrés, des journées de vendange. Au pied du vieux château s'écoule l'eau, s'écoule l'eau. À deux pas des remparts, l'ancienne gare n'a plus d'amarre. Au pied du vieux château s'écoule l'eau, s'écoule l'eau. À deux pas des remparts, l'ancienne gare n'a plus d'amarre. C'était Le Château d'Yvan Marc, dont l'album sort le 27 avril. Son album intitulé Nos Dimanches, hein, qui nous rappelle vraiment le printemps, les balades dans la nature. Et après tout, c'est toujours un petit peu dans le thème, vu que tu m'as dit un petit peu, Kylian, hors antenne, que les Francas, en effet, font plus que faire des activités autour de l'écologie. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus ? Alors, on développe des activités autour de l'environnement, mais c'était un peu sur le même principe où c'était une malle qui allait sur les structures pour les nappes et autres. Et les Francas, en fait, donc les Francas des Vosges, je rappelle, sont depuis 1946 sur le territoire. Et à l'époque, avaient accueilli des enfants de toute la France à Bouzé, en fait, où ils avaient un espace d'accueil, une structure d'accueil. Donc, c'était des centaines d'enfants qui venaient l'été faire de la voile, qui allaient en forêt, faire des cabanes, construction en bois ou autre. Et. Donc les années ont passé et aujourd'hui en 2018 les Francas possèdent encore ce qu'on appelle une batterie, donc c'est un terrain boisé avec une grande prairie au milieu de ce terrain, et on est en train de redévelopper, voilà, on est en train de développer une écobase, l'idée étant d'ouvrir une écobase peut-être sur Bouzé, où là on a déjà développé une mare pédagogique où des groupes d'écoles élémentaires, donc Chaumouzé, Sangé, qui sont juste à côté de Bouzé, viennent les mercredis étudier les petites bêtes de la mare, étudier les petites bêtes de la forêt, étudier les petites bêtes de la prairie aussi. Et donc on accueille des groupes, voilà, pour le moment scolaires sur ces activités-là, mais petit à petit on va développer de nouvelles activités. Déjà un chemin va traverser cette batterie, hein, parce que du coup il y a beaucoup de contraintes aussi par rapport à l'urbanisme, tout ça, voilà. Donc il y a des questions qui se règlent et petit à petit, voilà, on tend vers la finalité de ce projet. Et donc on aimerait aussi créer une structure en dur pour accueillir justement peut-être une quarantaine, une cinquantaine d'enfants sur l'été, toutes les semaines, où ils pourraient venir camper, pourraient venir profiter du lac, pourraient venir profiter de cette forêt et de tout ce qui est autour de l'éducation à l'environnement, vraiment être au cœur de la nature, le temps d'une, deux ou trois, ou voire une semaine sur l'été ou les petites vacances. Donc là, pour l'instant, qu'une mare pédagogique, un arboretum, des activités en place par rapport à toutes les petites bêtes situées justement sur ce terrain-là, la batterie, et un partenariat, un fort partenariat du coup, là pour le coup, avec, si je ne me trompe pas, la communauté d'agglomération d'Épinal, et notamment la base Roland Naudin de Bouzet, où eux ont une école de voile, font déjà de la voile avec des gamins, font déjà de l'accueil de groupe. Et donc un partenariat justement pour prendre leur accueil de groupe, nos accueils de groupe, et mélanger donc eux qui ont la voile, nous qui avons la partie éducation à l'environnement avec la batterie, la partie boisée, et donc accueillir un maximum de groupes pour les sensibiliser justement à ces questions-là environnementales. Mais c'est aussi par la pratique de sport plein air qu'on est sensibilisé à ces questions d'environnement ou d'écologie. Voilà, c'est un peu se retrouver avec Mère Nature le temps d'une semaine. Hein, c'est du camping, il y aura une structure en deux, mais ça sera aussi du camping, possibilité peut-être de faire du feu, de faire manger sur place, avec tout ce qui est sanitaire, hygiène, voilà. Tout le cadre réglementaire aussi pour accueillir des accueils de groupes. Bien entendu. Et d'ailleurs, dis-moi, comme il fait beau, tu peux peut-être donner à nos auditeurs l'envie d'essayer une de ces activités plein air. Alors, quelles sont-elles ? Alors, nous, on ne propose pas directement ces activités plein air, mais n'hésitez pas à aller justement à Bouzet, tout autour de Bouzet, ou des activités plein air. Alors, il y en a différentes. Nous, principalement, là, le partenariat qu'on a, ça va être autour de la voile. La voile qui est depuis des années à Bouzet, ou les Francas à l'époque, hein, où ça remonte, du coup, faisait aussi de la voile à Bouzet. Nous, on ne fait pas directement d'activité parce qu'on travaille directement avec les structures d'accueil, en fait. On ne travaille jamais avec les familles ou avec les enfants directement. On passe toujours par une structure d'accueil, étant une fédération, une association, voilà. Je peux donner envie, allez à Bouzet, il fait super beau, allez vous promener, il fait super frais, n'hésitez pas, hein, vous verrez peut-être la batterie, hein, c'est un long bois boisé juste à côté des écuries du lac, mais on ne propose pas nous directement des activités, mais n'hésitez pas à aller voir justement à la base Roland Naudin. Vu qu'après tout c'est accessible à tout le monde, même oui, aux familles. Là, c'est tout à fait ouvert, voilà, c'est très nature, hein, c'est l'avantage aussi, c'est que voilà, il n'y a rien on n'a rien gâché de la nature, on a tout laissé tel quel, donc voilà, c'est un vrai plaisir de se promener là-haut. En effet. Et dis-moi, si quelqu'un a envie d'avoir un petit peu plus d'informations ou savoir quelles autres activités vous proposez, est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter ? Alors, via notre site internet ou notre numéro de téléphone que je vais vous donner juste après. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur www.franca-6vauche.org, donc Franca avec un S à la fin, où là vous retrouvez notamment voilà, toutes les activités qu'on mène, la fameuse éco-base batterie à Bouzet, et aussi les formations qu'on propose. Pour info, un nouveau site internet vient d'ouvrir pour les Franca en termes de formation, BAFA et BAFD, donc si vous êtes jeune et que vous voulez devenir animateur, animatrice, que vous avez 17 ans, révolu, et ben vous pouvez aller sur bafa-6lesfranca.fr, où vous retrouverez notamment toutes les dates de formation dans toute la France, hein, c'est un réseau national, les BAFA et les BAFD, donc voilà, n'hésitez pas, et nous on en propose notamment sur les vacances d'avril, là, avec un stage notamment de surveillant de baignade, voilà, c'est un plus-value pour certains animateurs, si vous voulez encadrer des gamins lors de baignade ou autre activité nautique, et ben n'hésitez pas à passer ce SB-là. Voilà. Sinon, le numéro de téléphone, tout de même, oui. De l'association départementale des Francas des Vosges. Donc, vous pouvez nous contacter au 03 29 82 48 08 ou par mail à contact@franca-6vauges.org. Tout simplement, et ça c'est toutes les informations nécessaires qui seront de toute façon visibles sur votre site internet, je rappelle, hein, franca-6vauges.org, Franca et Vosges, enfin surtout Franca avec un S à la fin, oui. Mais Vosges tout le monde le sait, donc ça c'est pour tout ce que vous faites, tout ce que vous proposez. Je me rends bien compte qu'en une heure en fait on n'a même pas réussi à parler de tout, hein. Il y a encore des questions qui sont restées sans réponse. Peut-être une prochaine fois. Ah oui, certainement. Certainement, avec plaisir. Et avant qu'on se dise au revoir, je fais encore le programme de la soirée. Donc à 20h et jusqu'à 22h, on retrouve une émission spéciale intitulée « C'était mieux avant » sur la musique de notre adolescence, les années 2000, faite avec Camille, Marion, Lia et bien entendu avec moi. Puis à 23h, on retrouve l'émission « Rock à la Casbah » et de minuit à 1h, c'est la rediffusion de « La bulle de Lia » qui a reçu l'artiste bijoutière Claire Obscure. La rediffusion de mon émission, c'est demain matin de 7h à 8h, suivie de la chronique BD de Camille, et enfin la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de vendredi. On se retrouve demain à 18h pour parler d'une magnétiseuse à Ramonchamp. Mais pour ça, pour en savoir plus, je vous encourage à écouter l'émission demain. Merci beaucoup Kylian et Fanny d'être venus me parler des Francas ou même d'en avoir parlé à nos auditeurs qui sont certainement très contents d'en savoir plus sur vous. Avec plaisir, merci à vous pour votre invitation du coup et quand on viendra présenter les Francas quand vous voulez. Voilà. Ben merci, c'était... Je te remercie aussi beaucoup Lou, notamment de m'avoir appelé pour parler de mes projets divers et variés et au plaisir de se retrouver une prochaine fois. C'est certain. Merci encore hein, et aux auditeurs, rendez-vous demain même heure sur Radio Guémozo. Mais en attendant, bonne soirée à tous.